Chevauchoir. Il est 9h. Auditeurs, auditrices de Radio Chevauchoir, quoi de neuf? Lisiane vous dit bonjour en ce dimanche matin. J'espère que vous allez bien comme le soleil qui revient tout doucement sur les antennes de Radio Chevauchoir. Bonne matinée. À 9h30, bien sûr, votre émission, l'apéritif Musette. Allez, on va boire un bon apéro tout à l'heure. Grenon et Grêle pour Paris. Plus en plus d'avions dans le ciel, que se passe-t-il? La première géante des sans-papiers baptisée à Bruxelles. Les anniversaires People pour ce dimanche, nous avons Dave. Lundi, Adèle, mardi, Christian Clavier, mercredi, Franck Michael, jeudi, Marie-Myriam, vendredi, Kermit, samedi, Bob Sinclair et dimanche prochain, Renaud. Lisiane avec vous en ce dimanche matin. Et bien, en ce dimanche matin, c'est la Saint-Sylvain. Et également, nous fêtons aujourd'hui les Florian. À la Saint-Sylvain, fait tout pour être incertain. Et à la Saint-Florian, petite pluie de mai, tout le monde est gai. Florian est le patron de la Pologne. Pourquoi le patron de la Pologne? C'est tout simplement parce que c'est le patron des pompiers. En Belgique, nous fêtons la fête des pompiers. C'est bien sûr la Saint-Barbe, mais aujourd'hui, c'est la journée des pompiers. Alors, bonne fête à vous les pompiers! Jacques Dupont avec la danse des pompiers. Bonne fête à tous les pompiers. C'est votre journée aujourd'hui. Également, la Saint-Florian, le patron de la Pologne des pompiers. Bonne fête à tous les Florian qui écoutent Radio Chevauchoir. Un petit coucou du côté de Marche. Bonjour à toi, Florian, et à ta maman également. Une bonne journée à tous les Sylvains qui écoutent Radio Chevaucheur, c'est votre fête. Dans l'émission Quoi de neuf, eh bien, nous avons le beau joli mois de mai qui s'annonce avec un peu de soleil. Et peut-être pour les heureux gagnants du loto, le 10, le 12, le 15, le 19, le 22, le 30 et le 34. Pour le Joker Plus, 787, 600. Signe Sagittaire. Et pour ce beau joli mois de mai, on va remercier toutes les personnes et les bénévoles qui étaient présents jeudi à notre 1er mai. Également une bonne journée à ma cousine Annick qui a fait son possible pour vous recevoir, les artisans de Radio Chevauchoir. Merci pour cette belle journée également à nos artistes Francis Durange, Jean, Johnny Van Damme, François Claude et Aria Sébastien de la belle après-midi que nous avons passé tous ensemble. Il a fait nos frères. Et dans ce joli mois de mai, on ne va pas également oublier l'équipe qui était présente hier après-midi et hier soir pour Patrick Duquenois. Radio Chevaucheur, on essaye de vous faire plaisir, on essaye de faire également ce que vous demandez, des activités le samedi, et bien pour cette fois-ci, on espère que la prochaine fois vous serez un peu plus nombreux pour qu'on puisse continuer le samedi. En parlant de programme de Radio Chevauchoir, on vous donne rendez-vous le 18 à Radio Chevauchoir pour recevoir quelques musiciens qui viendront sur notre podium. Ils seront quatre normalement. Si vous aimez un peu le genre guitariste, du Jean Ferrat et autres, eh bien pourquoi pas, vous rentrez à Radio Chevauchoir le 18 mai à 15h et nous aurons également notre Étienne qui chantera du William Scheller. Le 25 mai, nous serons sortis au casino de Spa. Il nous reste encore quelques places. Le 1er juin, nous aurons Manu Lefleur. Dans le programme de Radio Chevaucheur, et bien tout simplement pour cette semaine, Jean-François recevra l'équipe de beauté comme une fois par mois, et puis vous avez les invités également qu'il reçoit, et vous avez également l'occasion de retrouver troisième mardi du mois votre animateur Julien qui est de retour sur nos antennes après une bonne forme. Il revient refaire ses émissions, mais ce sera le mardi matin entre 10h et 12h pour également le bout d'histoire. Soyez bien à l'écoute, troisième mardi du mois. Robert qui recommence tout doucement également ses émissions avec l'émission également les invités et leur métier. Alors, qui je suis vraiment, n'oubliez pas, si vous voulez passer à l'antenne de Radio Chevauchoir, vous pouvez également prendre rendez-vous au 0477 59 48 43 et faire une interview avec Robert le vendredi après-midi, troisième vendredi du mois. Également, on vous rappelle que vous pouvez également gagner des places de cinéma de Caméo à Tamine. Et tout à l'heure, je vous ferai gagner des places pour aller au cirque Bouglione. Ce sera le 8 mai. Le cirque Nicolas Bouglione fait son grand retour à Namur, du 26 avril au 11 mai inclus, à la citadelle de Namur. Un moment magique à petit prix. Les journées à tarifs réduits Family Day commencent à seulement 7 euros. Le cirque Nicolas Bouglione, où chaque spectacle est une nouvelle histoire qui se dévoile. Infos et réservations sur nicolasbouglione.be. Retrouvez le cirque Nicolas Bouglione à la citadelle de Namur du 26 avril au 11 mai inclus. quand la rivière déborde en mai, tous les autres mois elle le fait. Oups. Au mois de mai, vin, blé, tout naît. Si vous aimez la littérature, eh bien le 15 mai à 20h au château d'Herbemont à Arbres, on vous attend pour cette soirée littéraire. Le 15 mai à 20h, vous devez prendre et vous inscrire avant le 6 mai sur leur site internet château de Herbemont. Le joli mois de mai, eh bien, le joli mois de mai est représenté la fleur de naissance par la rose, partie des fleurs les plus cultivées. Les artistes ont toujours vu et elle est de source d'inspiration infinie, un symbole d'amour absolu, ce qui fait de cette plante à finir par obtenir le rangé convoité des reines des fleurs pour notre plus grand bonheur. Couleurs et parfums se mélangent également à la rose. Et pour les personnes qui sont nées au mois de mai, votre pierre, c'est l'émeraude. Nom de vient du pays du persan Esmeralda, signifiant cœur de pierre. Par sa teinte d'un vert vif, on l'associe au printemps et au renouveau. Le côté mystérieux de cette pierre apporterait également sagesse et bien sûr bonheur. Les belles choses de la vie, eh bien, c'était les jolies roses de Adamo sur la 105.5 de Radio Chevauchard. Merci d'être à l'écoute et n'oubliez pas pour les abonnements que nous recommençons un nouveau mois. Alors, si vous n'avez pas encore fait votre changement, il est grand temps de le faire. Et pour également, les cartes de soutien sont toujours disponibles à notre radio. L'apéritif Musette tous les dimanches en compagnie de Lisiane. N'hésitez pas, branchez-vous. Après l'étoile semaine, voici l'apéritif Musette sur les antennes de Radio Chevauchard. Bonne matinée jusqu'à midi en ma compagnie où vous pouvez m'appeler à ce numéro. 081 13 86 81. Téléphonez-nous. Les Sylvains et les Florian, bonne fête à vous. Marraine de cette émission, nous avons Loulou d'Ivoire, Léonard Dugournois, Didier François, Josette Émile, Alain Denis, Nicole Gandois, Papy Georges, Mimi Crupet, Chantal de Brumagne, Nicole de Salzine, Robert et Yves, Gisèle de Jeff, Monique et François de Dorine, Eliane de Profondeville, Josette Francine, Monique et Daniel, également Gabi de Frenière, Marie-Josée Dugournois, André et Brigitte, Simone de Denis, Luce de Mettet, Monique de Buzet, merci, parrain, marraine et bonne matinée. Et nous allons commencer cette émission avec un morceau qui est joué à l'accordéon par Guy Denis. Bonne route.